Section 77 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 7e, section 77. Le Roi des Sables, par Jean Richepin. Loin, loin, toujours plus loin, la mer morte des sables s'étalait sans limite, et rien ne remuait sur l'immobilité des flots infranchissables sous l'immobilité de l'air lourd et muet. Seul un lion vivait dans cette solitude. Sur ce grand tapis d'or il vautrait son corps roux. Comme du désert morne il avait l'habitude, sous le ciel sans clémence il rêvait sans courroux. Il a vu tant de jours pareils, pas une ride dans l'implacable azur et les lointains dormants. Il a vu tant de jours où la reine torride fait d'une caravane un chemin d'ossements. Il a vu les bédouins aux capuchons de laine, eux, les fils du désert, dans le désert mourir. Il a vu les chevaux tomber, manquant d'haleine, et les chiens vers les puits, ne pouvant plus courir. Quand le soleil a bu l'eau verte des citernes, il a vu les chameaux qui savent tout braver, allonger leur grand col et fermer leurs yeux ternes, et se mettre à genoux pour ne plus se lever. Il a vu tout cela, lui, le vieux lion fauve. Il a vu tout cela, pourtant il n'a pas fui. Ce pays de la soif, cette plaine âpre et chauve, ce cimetière en feu, c'est sa patrie à lui. Tout à coup le simoun s'élance. Il siffle, il passe, prend le sable à poignée, y creuse des sillons et d'un crêpe de cendres obscurcissant l'espace, disperse le désert au vent des tourbillons. Alors le vieux lion secoua sa crinière. Sur ses jarrets roidis se dressa brusquement et, comme un fier salut à son heure dernière, jeta le rauque appel de son rugissement. Le désert entendit rouler ce coup de foudre, fit répondre au simoun un hurlement d'adieu, puis, sur son enfant mort, sema son sable en poudre et dans son lit profond retomba du ciel bleu. Nul ne saura jamais où dort le roi des sables, nul ne profanera sa haute majesté. L'océan du désert aux flots infranchissables a caché ce tombeau dans son immensité. Fin de la section 77, lue par Sophie France à Veules-les-Roses en décembre 2024.